Combien de morts? Des dizaines? Des centaines? La chape de plomb qui pèse sur le Tibet ne permet pas de le savoir, mais l'explosion qui vient de secouer ce pays colonisé par la Chine est particulièrement emblématique à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Car la répression entreprise par la police et sans doute l'armée chinoise remet brusquement en lumière la question tibétaine, trop souvent reléguée dans les oubliettes de l'histoire. Ces événements récents ont été précédés par plusieurs succès diplomatiques du Dalai Lama, qui, malgré son exil, demeure le leader politique et spirituel de son pays. En octobre dernier, il a en effet été reçu officiellement à la Maison-Blanche par le président états-unien qui, jusque-là, ne le rencontrait qu'entre deux portes. Et auparavant, il avait bénéficié du même accueil en Autriche, en Australie et en Allemagne, qui entretiennent pourtant d'excellentes relations commerciales avec la Chine. Il y a aujourd'hui plus de 50 ans que cet immense pays adossé aux plus hautes montagnes du monde, et qui a été au temps de sa splendeur 6 fois grand comme la France, vit sous la botte chinoise. Depuis, on estime que 1 200 000 Tibétains ont payé de leur vie cette occupation militaire. Mais le poids politique et commercial de la Chine sur la scène internationale est tel que la plupart des États hésitent à prendre le parti de la cause tibétaine. Pourtant, il n'en a pas toujours été de même. C'est l'un des secrets les mieux gardés des services de renseignement de Washington. Monsieur X avait déjà ouvert ce dossier il y a quelques années. Il le complète aujourd'hui. On l'appelle le toit du monde ou encore, plus joliment, le royaume des neiges. Mais la réalité est beaucoup moins poétique, malheureusement. La politique de colonisation active menée par Pékin fait planer une grave menace sur la culture tibétaine. Il y a en effet maintenant plus de Chinois au Tibet que de Tibétains. Et c'est ce que le Dalai Lama a appelé l'agression démographique. Et qui peut être pire que l'agression militaire, hein? Et en outre, les quelques villes et même la cité sacrée de Lhasa ont été victimes d'une urbanisation forcée qui les rend méconnaissables. Quant à la langue tibétaine que l'occupant répugne à enseigner, elle risque tout simplement de disparaître. Enfin, revenons en arrière et examinons les arguments qui permettent aux Chinois de justifier leur occupation du Tibet. Ils prétendent que le Tibet a toujours été chinois, hein? Oui, c'est à peu près ça, depuis le XIIIe siècle en tout cas. Alors la vérité? À cette époque, c'est la dynastie des Yuan qui règne sur la Chine. L'empereur, qui est le petit-fils de Gengis Khan, passe une sorte d'accord de suzeraineté avec le grand lama tibétain qui l'a initié au bouddhisme. Le Tibet devient donc le vassal de la Chine. Oui, enfin, ce que les Chinois oublient de dire, c'est que cette dynastie Yuan n'est pas chinoise, mais mongole. Les Mongols ont en effet envahi la Chine et se sont emparés du pouvoir. La réalité, c'est donc que les Tibétains ont accepté le protectorat des Mongols, un peuple avec lequel ils ont beaucoup d'affinités. Et pas le protectorat des Chinois. Oui, ça, c'est la vérité historique. Comme la suzeraineté chinoise sur le Tibet a la plupart du temps été une pure fiction. Tout juste une légère tutelle. Et pourtant très mal vécue, tant les Tibétains sont jaloux de leur indépendance. D'ailleurs, au début du XXe siècle, le Tibet, par la voix du 13e Dalai Lama, se déclare indépendant. Une indépendance reconnue par la communauté internationale? Généralement, oui. Et jusqu'en 1950, plus aucune troupe chinoise ne stationne dans le pays. Mais est-ce qu'à Pékin, on a renoncé? Non, jamais. Les Tibétains ne l'ignorent pas, mais la Chine a alors d'autres chats à fouetter. La révolution, la fin de l'Empire, puis l'invasion japonaise et ensuite l'irrésistible ascension des communistes. Ouais, la longue marche. Hein. C'est en octobre 1949 que Mao Zedong entre à Pékin en triomphateur. Et dès l'année suivante, l'armée populaire chinoise envahit le Tibet. Le prétexte, c'est la libération du peuple tibétain. Ouais. La libération de quoi? Pékin affirme, non sans raison, que les Tibétains sont exploités par leurs dirigeants. Ils vivent dans un pays féodal où existe encore le servage. Et c'est vrai que la société tibétaine de l'époque ne brille pas par son progressisme. Les mœurs y sont demeurées archaïques. Et ça s'explique en partie par la géographie. Je crois que l'altitude moyenne du Tibet est de 4000 mètres. Difficile dans ces conditions de s'ouvrir au progrès. Mais c'est quand même une armée d'occupation qui se propose de libérer les Tibétains. Et le prétexte ne fait pas illusion. Alors comment les autorités tibétaines réagissent-elles alors? À côté du puissant voisin chinois, le Tibet est un nain,

La capitale Lhasa, encore épargnée, est occupée à l'automne 51. Le Dalai Lama est donc prisonnier chez lui, enfin, carrément. Mais cependant, les Chinois ne sous-estiment pas son influence sur un peuple qui le vénère. Et habilement, il lui concède une certaine liberté. Mais dans le même temps, sous couvert de procéder à des réformes démocratiques, ils mettent la main sur toutes les structures du pays et accablent la population. Les Tibétains devant se sacrifier pour nourrir les troupes d'occupation. Enfin, ils subissent une véritable famine. Et tout cela se passe sans que la communauté internationale ne proteste. Oui, oui, apparemment, en tout cas. Parce que dans l'ombre, des hommes agissent quand même. Les Tibétains ont toujours craint les Chinois. Ainsi, dans la première moitié du XXe siècle, alors que le Tibet vit une de ses rares périodes d'indépendance totale, le 13e Dalai Lama, avant de mourir, met en garde ses compatriotes dans un texte prémonitoire. L'avenir est porteur de ténèbres et de misères. Les institutions du Dalai Lama et du Panchen Lama, les incarnations vénérables et les protecteurs des enseignements, seront tous complètement balayés. Les monastères seront pillés, les propriétés confisquées et les êtres vivants détruits. Les biens des fonctionnaires seront séquestrés, eux seront esclaves des conquérants et contraints d'errer en servitude. Toutes les âmes sombreront dans la souffrance, longue et noire sera la nuit. Parler d'hommes là qui ne se résignent pas. Ce sont les Américains décidés à créer une guérilla anticommuniste au Tibet. Très étrangement, ce soutien américain clandestin trouve sa source dans des contacts pris 10 ans plus tôt en pleine guerre entre les Tibétains et des agents de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Racontez. Bien, on était alors en 1942. Les Américains veulent faire passer des armes aux Chinois qui luttent contre les Japonais. Ils imaginent de les acheminer en Inde, puis de les faire transiter par le Tibet. Oui, mais il faut l'autorisation des Tibétains. Ah, bien évidemment. Deux agents de l'OSS sont chargés de se rendre à Lhasa. C'est une véritable expédition. À cause de l'isolement du pays. Oui, oui, les deux Américains mettront plusieurs semaines pour atteindre le toit du monde. Et le résultat, là? Les deux hommes sont chaleureusement accueillis par le clergé et le petit Dalai Lama, qui n'a alors que 7 ans. Mais les Tibétains opposent un refus catégorique à la proposition américaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent avoir aucun rapport avec les Chinois et qu'ils ne supportent pas l'idée que ces derniers puissent entrer chez eux pour réceptionner des armes. Ouais. C'est très symptomatique de l'hostilité entre les deux pays. Certainement. Toutefois, la mission des Américains n'est pas entièrement négative. Outre les cadeaux traditionnels qu'ils ont remis au Dalai Lama, ils ont aussi apporté dans leur bagage 3 postes radio qui permettront d'établir une liaison permanente entre le Tibet et les États-Unis. Et cette liaison, alors, c'est important, ça, elle existait toujours quelques années plus tard, lorsque les Chinois envahiront le Tibet. On peut le penser. Donc les Américains ont été très vite informés. Mais ça n'a pas servi à grand-chose, puisque Washington n'a pas réagi. Officiellement, en tout cas. Les autorités états-uniennes savaient très bien qu'elles ne pourraient pas déloger les Chinois du Tibet. Mais rien ne les empêchait de leur créer quelques difficultés. Alors, de quelle façon? En soutenant clandestinement la résistance tibétaine, c'est ça? Oui. Alors, avant d'aller plus loin, là, quelle est la position du Dalai Lama? Le chef tibétain, par conviction, a choisi de résister pacifiquement. Et c'est encore sa position aujourd'hui. Une position très modérée. Le Dalai Lama ne réclame pas l'indépendance de son pays, mais simplement son autonomie au sein du grand ensemble chinois. Ce qui lui est, entre parenthèses, vivement reproché par des Tibétains plus radicaux, des jeunes surtout. Oui, mais c'est assez habile. Quoi, la position du Dalai Lama? Oui, en adoptant cette attitude consensuelle, le Dalai Lama contrarie au plus haut point Pékin. Il faut m'expliquer, là. Les Chinois préférerait avoir en face d'eux un dirigeant tibétain plus résolu, un véritable ennemi plutôt qu'un partenaire. Ouais. Récemment, Pékin a quand même accusé la clique du Dalai Lama de devoir fomenter les derniers troubles. Oui, oui, mais... La clique. Oui, ça, c'est la langue de bois habituelle. Mais enfin, revenons en arrière. Dans les années 50, on peut quand même se demander si le Dalai Lama ne joue pas un double jeu. C'est-à-dire ça. Deux hommes assurent les contacts secrets avec la CIA. deux hommes qui ne sont autres que les propres frères du Dalaï Lama. Alors, on peut se poser des questions. Ben, vous pensez que le Dalaï Lama ne peut ignorer ce que font ses frères ? Ben, je me le demande, même s'il a toujours affirmé ne rien savoir de l'action de ses frères, et qu'il l'a désapprouvé lorsqu'il a été mis au courant. Admettons, ben, enfin, il y a peut-être eu quand même une sorte de répartition des tâches. Hein. Lui, demeuré à Lhasa, résistait pacifiquement, tandis que ses frères à l'étranger contribuaient à aider la résistance armée. Oui. Alors justement, cette résistance ? Ben, il faut d'abord dire qu'elle n'a jamais réellement cessé, malgré la répression et les déportations. Des petits groupes continuent de harceler les militaires chinois. Ils y sont encouragés par la brutalité de l'occupation. Des milliers de monastères ont par exemple été détruits. Il faudra encore parler du travail forcé ou des exactions de toute nature. Oui, mais est-ce que ces groupes, ces petits groupes-là, peuvent durablement mettre en difficulté l'armée chinoise ? Ben, à l'évidence, non. Il faut donc les aider. Assez vite. Le gouvernement américain charge la CIA d'étudier tous les moyens susceptibles de porter assistance aux résistants tibétains. Seule réserve, ces actions doivent rester rigoureusement secrètes. Ouais, ben, les Américains ne veulent pas apparaître. Bah non. Ce qui signifie, d'une façon inavouée, qu'ils reconnaissent les droits de la Chine sur le Tibet, hein, puisqu'ils ne veulent pas agir à visage découvert. Ben oui, c'est malheureusement vrai. Alors comment s'y prennent-ils ? La première idée consiste à parachuter des armes à destination des résistants tibétains. Mais encore, faut-il savoir où ils se trouvent. Or, le Tibet est dans un état d'isolement presque total. L'opération s'avère donc très complexe. Il est nécessaire, avant toute chose, de mettre en place un système de communication. Mais sous quelle forme ? Bon, de liaison radio. Les hommes de la CIA forment une poignée de tibétains réfugiés en Inde aux techniques de transmission radio et de codage. Puis ces hommes, munis de leurs émetteurs, doivent revenir dans leur patrie. Mais comment passer la frontière, hein ? Ça, je ne sais pas exactement. Le franchissement de la montagne, avec des émetteurs encombrants, ne doit sûrement pas être facile. Alors ces résistants ont sans doute été parachutés. Une parenthèse ici. Dans toutes ces opérations très délicates, les frères du Dalaï Lama ont joué un grand rôle. Le recrutement des hommes... Bien sûr, mais il leur fallait aussi obtenir la coopération de l'Inde. Ça ne devait pas être trop difficile, hein, parce que l'Inde ne devait pas beaucoup apprécier la présence chinoise à ses frontières. Pour les Indiens, le Tibet indépendant était un excellent état tampon. Alors, l'occupation chinoise les inquiétait. Et d'ailleurs, au fil des ans, les incidents se multiplieront dans les zones frontières pour aboutir au conflit de 1962. Donc il est vrai que l'Inde avait objectivement intérêt à favoriser les desseins américains au Tibet. Mais pour ne pas provoquer la Chine, elle se devait, elle aussi, de respecter un minimum de discrétion. Alors si vous voulez bien, poursuivons. Ouais, à partir du moment là où les liaisons sont établies avec les résistants, les parachutages ont lieu ? Oui. Les Américains, pour mieux préparer ces missions, ont procédé à des repérages de la région grâce à leur fameux avion espion U-2. Et c'est au début 1957 que ces opérations commencent réellement. Des missions très risquées, effectuées d'abord avec des B-17. Ah, c'était les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Pour éviter tout risque d'identification, les avions qui décollent de Dhaka, l'actuelle capitale du Bangladesh, sont entièrement peints en noir. Et les équipages ne comportent aucun Américain. La CIA dispose alors d'une compagnie d'aviation dans le sud-est asiatique. Une vraie compagnie ? Si on peut dire. Air America, c'est son nom. Peut aussi effectuer des vols commerciaux. Toutefois, sa vraie raison d'exister est d'assurer un soutien aérien à toutes les opérations clandestines de la CIA. Et Air America, d'ailleurs, je me souviens maintenant, sera très utilisé pendant la guerre du Vietnam. C'est juste. Mais ces vols vers le Tibet sont très dangereux. Ah, oui, il y a le franchissement de l'Himalaya. Et en l'absence de cartes, ajoutez que ces vols se déroulent de nuit, lorsque le temps est clément et qu'il y a suffisamment de lune pour naviguer à vue. Ensuite, imaginez le largage sur des zones très étroites. Puis le retour. Avec à nouveau le vol au-dessus des montagnes les plus hautes du monde. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, les Américains ont réussi à larguer plusieurs centaines de tonnes d'armes légères. Mais pas n'importe lesquels, hein. Car là encore, il ne fallait pas qu'on puisse soupçonner les États-Unis. Dans un livre de mémoire paru chez Fayard en 1990, le Dalaï Lama évoque l'action de ses deux frères. Bien qu'il ne fût alors nullement question d'une lutte armée contre les Chinois, mes frères avaient, à mon insu, pris contact avec la CIA. Apparemment, les Américains étaient disposés à fournir une aide limitée

Alors, quels sont ceux qui ont organisé cette fuite-là ? Les Américains ne sont pas étrangers à l'affaire. Ah oui. Cela faisait longtemps qu'ils voulaient que le Dalaï Lama fuit son pays. Et il lui avait fait savoir à plusieurs reprises, notamment par l'intermédiaire de ses frères. Mais le Dalaï Lama avait toujours refusé, préférant demeurer au Tibet pour résister pacifiquement, comme il le disait. Alors, les Américains, en relation étroite avec l'entourage du Dalaï Lama, ont profité de cette rumeur d'enlèvement par les Chinois. Et le chef religieux a fini par consentir. Mais savait-il qu'en agissant ainsi, il était peut-être manipulé par la CIA hein? Je n'en sais rien. Il faudrait peut-être lui demander. Par contre, ce que je sais, c'est que parmi les hommes qui l'ont accompagné dans sa fuite, se trouvaient deux agents de la CIA. L'un était son cuisinier, et l'autre était un opérateur radio. Ce qui, entre parenthèses, a permis aux Américains de suivre jour après jour l'équipée du Dalaï Lama. Alors, ce dernier arrive donc en Inde. Et il s'installe avec ses fidèles à proximité de la frontière tibétaine. Et quelles sont les conséquences de cette fuite alors? Les Chinois sont naturellement furieux. Ils accusent, et c'est encore la langue de bois traditionnelle, les impérialistes étrangers complices des rebelles d'avoir enlevé le Dalaï Lama. Et en même temps, la répression redouble. Mais il fallait s'y attendre, le prétexte était tout trouvé. Est-ce que, après cette évasion-là, les opérations clandestines de la CIA vont continuer? Oui, oui, mais elles vont peu à peu changer. Les Américains vont, par exemple, choisir de favoriser la création de bases militaires tibétaines à l'extérieur du pays, au Népal en particulier. C'est à partir de ces bases que les résistants tentent des coups de main audacieux contre les Chinois. Mais ce sont seulement des piqûres d'aiguilles. En tout cas, les Américains n'ont aucune difficulté à recruter, car dans les années 60, la révolution culturelle chinoise déferle aussi sur le Tibet. Et ça se traduit comment au Tibet? Oh, c'est terrible. Les gardes rouges pillent les principaux monuments tibétains et les détruisent. Les terres sont collectivisées, les populations déplacées et les opposants sont envoyés dans des laogais, c'est-à-dire des camps de travail. Mais l'équivalent chinois du goulag. Oui, ouais. Ils y sont rééduqués selon la terminologie en usage. Ça veut dire que les réfugiés affluent aux frontières. Et ce soutien américain, la résistance tibétaine, se poursuit jusqu'à quelle date? 1970. C'est l'année où elle cesse pratiquement du jour au lendemain. Pourquoi? Rappelez-vous. C'est l'année où les États-Unis se rapprochent de la Chine. Richard Nixon joue la Chine contre l'URSS. Naturellement. Et ne peut donc pas laisser les Chinois l'accuser d'aider les rebelles tibétains. Il abandonne donc les résistants à eux-mêmes, hein, c'est ça? Ah, tel est le réalisme politique. À noter d'ailleurs qu'au nom de ce même réalisme, l'URSS se parachutera des armes aux partisans tibétains, mais en quantité beaucoup moins importante que les Américains. En dépit de ce lâchage américain, la résistance se poursuivra-t-elle? Oui, oui, oui. En 1987, puis en 1988 et 1989, les Tibétains manifesteront. Mais à chaque fois, la réaction chinoise sera impitoyable et on comptera des centaines de morts. On estime que, depuis le début de l'occupation, plus d'un million de Tibétains ont péri. 1989 est d'ailleurs pour le Tibet une année importante à plus d'un titre. À cause de Tiananmen? Il est certain qu'au Tibet, on a dû suivre cet événement avec un grand intérêt. Non, je veux d'abord parler de la mort, en janvier 89, du Panchen Lama, le deuxième personnage dans la hiérarchie du bouddhisme tibétain. Aussitôt, Pékin, sans s'embarrasser des règles traditionnelles de succession, lui choisit un remplaçant, un enfant qui, bien sûr, obéira au doigt et à l'œil. Et il vient, ce Panchen Lama, là, de condamner les dernières manifestations. Effectivement. Hein. Deux mois plus tard, Lhasa se révolte. Les autorités réagissent avec leur brutalité coutumière. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouverneur du Tibet se nomme alors Hu Jintao. Ouais, c'est l'actuel numéro un chinois. Hein. Qui gagne le surnom de boucher de Lhasa. Mais ce qui fera date cette année-là, c'est la remise du prix Nobel de la paix au Dalaï Lama. C'est à partir de ce moment que l'opinion internationale commencera à s'émouvoir et à parler du Tibet, sans que la Chine change de position, évidemment. Mais le Congrès états-unien votera quand même une résolution affirmant que l'occupation chinoise est illégale. Alors, tout à l'heure, vous proposiez de m'expliquer la stratégie américaine. Oh, c'est très simple. Au fond, les Américains se moquaient du Tibet comme d'une guigne. S'ils sont intervenus là-bas et de façon relativement modeste, Ben, c'était uniquement pour tenter de déstabiliser le régime de Pékin. Vous voulez dire qu'ils n'ont jamais vraiment envisagé sérieusement d'aider le Tibet à devenir indépendant? C'est la vérité. Ils se sont servis des Tibétains, un point c'est tout, car ils n'ont jamais envisagé que ces malheureux maquisards qu'ils entraînaient pourraient un jour arriver à leur fin. Mais cette aide américaine n'était par ailleurs pas tout à fait désintéressée. Pourquoi alors? Parce que la CIA, grâce aux renseignements fournis par les Tibétains qui collaboraient avec elle, a recueilli de très précieuses informations sur la situation réelle de la Chine. Et c'est ainsi qu'à Washington, on a pu se rendre compte que le fameux grand bond en avant, tant vanté par la propagande maoïste, s'était traduit en réalité par un formidable échec. Mais c'est par là où je voulais en terminer. Les Tibétains sont malheureusement condamnés à être exploités, et ça continue. À expliquer, alors? D'abord, bien entendu, il y a l'exploitation, somme toute, classique des richesses naturelles du Tibet. Le cuivre, la chromite, la magnétite, le bore, le zinc, l'or, enfin, et j'en passe. Le sous-sol du Tibet est particulièrement riche, et les Chinois pratiquent des extractions à outrance. Mais il y a aussi l'exploitation de la ressource hydroélectrique, et encore l'eau minérale, et même la médecine tibétaine, dont les ingrédients végétaux sont très appréciés par les consommateurs chinois. Pékin, depuis les années 80, a développé considérablement les investissements au Tibet. Mais maintenant, il y a le train. Ah ouais, le train du toit du monde, comme les Chinois l'ont nommé. Cette voie ferrée de 2000 kilomètres qui relie maintenant Pékin à Lhasa au prix d'extraordinaires prouesses technologiques. Ouais, la voie monte jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Et donc ce train permet aujourd'hui de transporter les matières premières au-delà des frontières du Tibet. Il permet aussi, accessoirement, d'y faire parvenir plus rapidement des troupes. Ah oui, quand même. Mais il est aussi aujourd'hui l'instrument qui sert aux desseins les plus secrets de Pékin et qui viole ce que les Tibétains ont de plus précieux. C'est-à-dire? Leur patrimoine. 1 500 000 touristes ont déjà emprunté ce train. Surtout les Chinois, d'ailleurs, très curieux de découvrir le Tibet. Oui, mais ce dessin secret, là. Bah, c'est la culturation progressive du Tibet. Et le machiavélisme de Pékin se trouve là. Les Chinois se servent de l'extrême engouement que le Tibet suscite pour l'étouffer peu à peu idéologiquement et culturellement. Pour terminer, un court extrait d'un récent article du Nouvel Observateur. Le tourisme et les services, 64% du PIB tibétain, doivent permettre de réconcilier le temple et le supermarché. Le patrimoine et les traditions du Tibet sont nos meilleurs atouts, confie Tranor, le directeur adjoint de l'agence régionale du tourisme, où l'on songe à abolir les laissez-passer qui freinent l'arrivée des visiteurs étrangers, 350 000 l'an dernier, de plus en plus désireux de se ressourcer dans les grands espaces et les monastères. Mystérieux Tibet, jeunesse du monde, clame le slogan officiel. Je vous recommande aussi la lecture d'un livre remarquable, « Les services secrets chinois » de Roger Faligot, publié par Nouveau Monde Édition. Un ouvrage qui vous donnera quelques clés indispensables pour comprendre l'histoire contemporaine de la Chine. Mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler avec Monsieur X.